Mais c'est parce que derrière ça, il y a des enjeux de survie. Tu sais, si on pense entre autres à l'infirmière... Oui, mais le monde, ils vont mourir, David. Ouais. Le monde, là, ils survivront pas pour des enjeux de survie. C'est-à-dire, on va se servir des instincts de préservation pour faire que le monde, il creuse leur propre tombe puis qu'ils sautent à pieds joints dedans après. Tu donnes quoi d'avoir un emploi que t'aimes pas, puis avec des enfants malheureux, puis d'une maison que tu ne vas pas? Il y en a que c'est vers ça que ça va aller, cette logique-là. C'est vrai. Puis là, ça finit, le bonhomme, il tue toute sa famille, puis se suicide. Il a pas compris, là. T'es aussi bien d'être honnête. T'es aussi bien d'être honnête tout de suite que de faire de la procrastination puis de mourir de toute façon plus tard. Tes enfants, là, ils se font jouer dans la tête à l'école, sont malheureux, ils se ramassent ses pilules, puis ça te donne quoi, là? Pis toi, t'es là à faire une job que t'aimes pas, t'es pas bien dans ta peau, pis tu te sens sale en dedans, ça te donne quoi, là? Pour finalement vivre avec un bonhomme ou une bonne femme que t'aimes pas, dans une maison qui te coûte le cul pis les dents, pis qui finalement va perdre de la valeur à un moment donné, pis pour aller finir dans un CHSLD avec trois couches de marde, avec du monde issu de l'immigration qui arrive du tiers-monde, que là, là, madame, là, gna gna gna, pis... Calice, il y a de quoi là-dedans qui marche pas. Puis c'est parce que justement, le monde n'a pas de lucidité, puis ils n'ont pas de vision à long terme. Ils voient juste une main, là.